La persévérance de l'âne. Un jour, l'âne d'un fermier tombe dans un puits. L'animal gémit pitoyablement pendant des heures et le fermier ne sait plus quoi faire. Finalement, il se dit que l'animal est vieux et que le puits doit disparaître de toute façon. Comme ce n'est pas rentable pour lui de tenter de récupérer son âne, il invite tous les voisins à venir l'aider. Chacun saisissant une pelle, ils commencèrent à enterrer le puits. Au début, l'âne, qui comprend ce qui lui arrive, se met à gémir encore plus fort. Puis, au grand étonnement de tous, il se tait. Quelques pelletées plus tard, le fermier regarde au fond du puits et il a la surprise de sa vie. À chaque pelletée de terre que l'âne avait reçue, il avait fait quelque chose de stupéfiant. Il s'était secoué pour enlever la terre de son dos et était monté dessus. Pendant que les voisins du fermier continuaient à lancer des pelletées de terre sur l'animal, celui-ci se secoue et monte dessus. Bientôt, à la grande stupéfaction de tous, l'âne est hors du puits et se met à trotter.